L'actualité à Nancy, Nancy et ailleurs. Parlons d'un événement qui revient pour sa deuxième édition à Nancy. Ce sera le mardi 24 mars au foyer Marae. C'est le Terrapéro, une soirée de co-construction autour des enjeux de formation, d'insertion et de développement territorial. Meltem Saltic, bonjour. Bonjour Yves. Vous êtes secrétaire pour Terrafilia et vous êtes accompagné de Julien Nisgan, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Terrafilia. Oui, c'est ça. Terrafilia, en quelques mots, qu'est-ce que c'est ? Terrafilia, ça fédère les professionnels du champ de l'économie sociale et solidaire et de la formation pour adultes. On fait ça à travers des afterwork. Oui, c'est effectivement une association qui a été créée en juin 2024 et on met en place des soirées informelles, des afterwork entre adhérents de l'association. Donc c'est la rencontre mensuelle où les adhérents se rencontrent autour d'un jus, d'un bière, exactement. et c'est un moment un peu convivial. Voilà, nous facilitons également la mise en relation entre ces acteurs quand ils nous le demandent individuellement, soit par le biais de LinkedIn ou par mail, donc ce qui facilite du coup les liens entre structures et entre professionnels. Nous intervenons également auprès des futurs professionnels qui sont en formation, notamment auprès de l'AFPA sur les formations de conseiller en insertion professionnelle et FPA, donc formateur pour adultes, et de l'Université de Lorraine sur la licence IFIA, donc intervenir en formation, accompagnement et ou insertion, le DURF, le DU de responsable de formation, et le M2, donc maintenant qui est Projeter, projet et territoire. Voilà. En fait, le but, c'est qu'on les sensibilise vraiment au maillage partenarial dans nos métiers, parce que tout seul, on va pas bien loin. À plusieurs, on va beaucoup plus loin. On arrive à monter des projets. Et je pense que les dynamiques actuelles sont quand même très complexes. Et sans partenaires, on peut plus rien faire. Donc, le rôle de Terrafilia, c'est de créer du lien et de créer un dynamisme entre tous ces acteurs. Une synergie, c'est tout à fait ça. Aussi bien parmi les adhérents, mais aussi bien avec les professionnels qui ne sont pas forcément adhérents à l'association. Donc c'est vraiment faire du réseau, créer du lien entre les différents acteurs du territoire. Et ça marche parce que le nombre d'adhérents augmente de mois en mois, je dirais. Tout à fait. L'année dernière, on était à 40 adhérents. Maintenant, on est à 70 adhérents. Donc ça prouve vraiment que c'est un besoin du territoire. Et on arrive vraiment à capter de nouvelles personnes, des personnes qui se disent « c'est intéressant, ça peut me servir » et qui viennent, qui adhèrent et qui sont super contents de nous voir à chaque fois quand on fait des rencontres. Et on est basé donc sur Nancy, c'est notre siège social, mais on peut aussi intervenir sur les Vosges, dans le 57 également. On a des adhérents un petit peu de partout, sur le Grand Est. Et parmi les rendez-vous que vous organisez justement pour créer du lien, on l'a un peu évoqué, alors le Terrapéro, déjà un nom qui évoque un moment convivial forcément, là ce sera la deuxième édition, ce sera le 24 mars au foyer Marae à Nancy. Alors déjà, comment s'est passé le premier rendez-vous ? Eh ben, ça s'est très très bien passé parce qu'on a eu plus de 60 participants, donc ça a été une bonne surprise. Tout le monde était présent, ça a été vraiment un événement sur 2h30-3h avec un pot à la fin. Donc le but, c'était une co-construction sur une thématique et on a pu restituer. Là, cette année, ça va être le même schéma. Donc la thématique, c'est coopérer sur les territoires entre paradoxe et invention. Donc le but, c'est que on ait des ateliers, qu'il y ait des échanges, qu'on ait une restitution. Et le petit plus cette année, c'est que ça va être donc porté au LISEC en recherche d'études. C'est ça, c'est le laboratoire de l'Université de Lorraine. Et en fait, l'objectif, c'est qu'on puisse aussi avoir des données de terrain et pouvoir les exploiter après au niveau de la recherche, etc. Du coup, on est accueilli par l'association Aurélie Finance à la résidence Habitat Jeunes Marae, qui est un foyer jeunes travailleurs qui a 91 chambres et qui accueille des jeunes entre 16 à 30 ans. Donc, c'est des jeunes actifs qui ont besoin d'un logement et qui se situe au 103 rue Saint-Georges à Nancy. Et ce sera à 18h le mardi 24 mars. Alors, qui peut participer à ce rendez-vous ? C'est une très bonne question. Tout le monde peut participer à cet événement ? Tout le monde. Tout le monde. En fait, à partir du moment où on est intéressé par l'événement, on peut venir. C'est un événement gratuit. C'est sur inscription parce qu'en effet, on ne peut pas se retrouver avec une centaine de personnes. Mais c'est ouvert à tous, c'est gratuit. Et l'objectif, c'est vraiment de réfléchir ensemble sur des questions actuelles, de réfléchir et puis de terminer effectivement par un petit pot. Alors, vous avez évoqué la thématique de cette journée, coopérer sur les territoires entre paradoxe et innovation. Pourquoi cette thématique particulièrement ? En fait, c'est une thématique qui est arrivée en co-construction avec les adhérents. On s'est retrouvés, comme on a l'habitude de le faire, un soir. Et en fait, on a échangé un peu sur les difficultés ou en tout cas ce qui... Les besoins. Les besoins, oui. Tous les besoins, pas les tous difficultés. Les besoins. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on rencontre des problématiques de financement. On voit que les enveloppes de subventions diminuent de plus en plus et je pense que tout le monde a impacté dans tous les domaines, hein, pas que dans l'ESS et dans la formation pour adultes. Et aujourd'hui, en fait, les adhérents nous disent on est obligé un peu de se débrouiller entre nous, dans nos structures, pour pouvoir monter des actions, etc. Donc ça, c'est vrai que c'est revenu, c'est un temps fort cette année, surtout que le budget a mis beaucoup de temps à être voté par l'État, et on a tous été impactés de plein fouet. C'est ça, et ce sera vraiment l'occasion d'échanger à ce sujet, de voir comment aussi on peut serrer les coudes dans un contexte comme celui-ci. Voilà, créer du lien. C'est ça, créer du lien. Et le Terrapéro, donc c'est le mardi 24 mars à 18h au foyer du Marais, au 103 rue Saint-Georges. Vous l'avez dit, tout le monde peut participer. Comment on peut s'inscrire? Parce que voilà, vous l'avez dit également, les places sont limitées. Alors, on peut soit se connecter sur notre LinkedIn, donc l'association Terrafilia, association Terrafilia, ou nous écrire par mail, donc Terrafilia, terrafilia@outlook.fr. Et en dehors de ce rendez-vous, d'autres temps forts pour Terrafilia ou simplement pour vous contacter, simplement en dehors de ce rendez-vous Terrapéro pour en savoir plus? Pour l'instant, c'est notre grand événement, donc on va déjà le réaliser, et après il y aura des événements qui arriveront beaucoup plus tard, mais effectivement, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter, plutôt sur LinkedIn, c'est vraiment là où on est très actif. Et même pour, comme vous l'avez souligné, pour autre que le Terrapéro, n'hésitez pas à nous contacter, des questions, on est toujours ouvert, même des propositions de partenariat, de collaboration, nous on est partant. Hein. Le but et le maître mot de cette association, c'est la co-construction sur le territoire. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à vous deux. Merci de nous avoir reçus. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.